PKFM jusqu'au bout du monde. Bonjour monsieur, présentez-vous au micro de BKFM. Bonjour mademoiselle, merci à BKFM, je suis monsieur Kwaku Marcelin, le directeur général des établissements Henri Poincaré. Monsieur le directeur, à quoi répond cette séance de coaching avec les élèves de la terminale? Cette séance de coaching répond à un double souci. Le premier souci, c'est celui du renforcement des capacités de nos apprenants. Le deuxième, c'est aussi la préparation à affronter la vie active. Donc c'est dans ces deux sens-là que nous avons initié. Nous initions d'ailleurs chaque année les séances de coaching. Monsieur le directeur, quels sont les points abordés pendant ce coaching? Divers points, mais dans l'ensemble, si nous voulons résumer, dans un premier temps, nous essayons de sonder un peu, si vous voulez, la motivation ou ce qui motive ou ce qui démotive nos enfants. Et puis dans un second temps, nous essayons de décrypter ensemble avec eux les différentes difficultés qu'ils rencontrent en tant qu'élèves. Et enfin, dans un troisième temps, nous essayons de voir un peu quelles sont les solutions envisageables et surtout en termes d'organisation de nos élèves. En tant que directeur, quel message pouvez-vous lancer à l'endroit de ces élèves en classe des âmes? Le message, il est tout simple et c'est d'ailleurs ce message que je viens de leur lancer. C'est tout simplement d'être des élèves exemplaires, des élèves corrects, exemplaires qui sont assidus, et qui sont aussi ponctuels au cours, et qui prennent régulièrement des notes, des bonnes notes, de bonnes prises de notes, et qui surtout, ont un minimum d'organisation. Parce que le plus souvent, c'est ce qui fait défaut à nos élèves, étant entendu qu'ils se focalisent un peu plus sur autre chose que ce qu'ils doivent faire, et surtout, lorsqu'il manque d'organisation, l'échec, j'allais dire, est plus ou moins programmé par eux-mêmes. Alors, pour ne pas donc programmer son échec, il faut un minimum d'organisation. Organisation donc de son matériel de travail, organisation de l'environnement de travail et surtout l'organisation du temps de travail. Si ils arrivent à s'organiser, ils pourraient donc savoir qu'il y a donc une différence entre l'apprentissage, la compréhension, la mémorisation et la dernière phase qui est la restitution. Et c'est de tout cela que nous avons parlé avec nos élèves. PKFM jusqu'au bout du monde.